Comment faire l'histoire des massacres dans l'Antiquité ? Dans l'un de ses essais sur la théorie de la science, Max Weber a écrit « Il y a des sciences auxquelles il a été donné de rester éternellement jeune ». C'est le cas de toutes les disciplines historiques, de toutes celles à qui le flux éternellement mouvant de la civilisation procure sans cesse de nouveaux problèmes. Autrement dit, c'est parce que nos sociétés ne cessent d'évoluer que la recherche historique élargit constamment ses curiosités. L'histoire des massacres dans l'Antiquité est un bon exemple de cette dialectique entre le passé et le présent. La création, en 2002, de la Cour pénale internationale a donné une nouvelle impulsion à la réflexion collective sur la notion de crime contre l'humanité, une incrimination créée en 1945 par le tribunal militaire de Nuremberg pour juger les crimes nazis. Comme je l'ai déjà évoqué dans ma chronique sur la répression des soulèvements vendéens de 1793-94, la majorité des historiens considèrent aujourd'hui qu'il faut faire la différence entre un génocide, défini comme la destruction méthodique d'un groupe humain, et un massacre, terme qui désigne des meurtres en grand nombre de personnes sans défense. Les études qui ont retracé l'histoire de ce mot ont constaté le rôle essentiel qu'avaient joué les guerres et autres troubles sanglants qui se sont produits à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le mot « massacre », qui vient de l'ancien français « massaclé », n'a pris son sens actuel qu'au XVIe siècle. Mais dès le départ, il a été illustré par des références empruntées à la période romaine. Les guerres de religion entre catholiques et protestants ont été qualifiées de guerres civiles par référence aux guerres intestines qui affectèrent la République romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, le mot « massacre » a été de plus en plus souvent utilisé pour désigner des crimes de masse commis en temps de paix, par opposition aux tueries qui se produisent dans un contexte militaire. L'histoire romaine a été également mobilisée par les juristes, comme Hugo Grotius. Son traité sur le droit de la guerre et de la paix, publié en 1625, a joué un rôle très important dans la réflexion européenne sur le droit des gens. La condamnation des massacres a alors été associée au devoir de protection des populations civiles lors des guerres entre États. L'histoire de Rome a donc servi de réservoir d'exemple pour alimenter la réflexion sur les massacres du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Mais en sens inverse, les débats contemporains sur les violences de masse ont eu des répercussions sur les recherches concernant l'histoire de l'Antiquité. Récemment, certains historiens ont été jusqu'à qualifier de génocide les crimes commis par les légions de Jules César contre deux peuples de Germanie, les Usipètes et les Tanctères. Lui-même s'est d'ailleurs vanté, dans son récit sur la guerre des Gaules, d'avoir fait tuer indistinctement les hommes, les femmes et les enfants pour ne laisser pratiquement aucun survivant. Mais les historiens qui estiment qu'on ne peut pas expliquer le passé avec des concepts nés après la Seconde Guerre mondiale préfèrent parler de massacre plutôt que de génocide pour qualifier les crimes de masse commis dans l'Antiquité.